Oui. Bonjour, bonsoir, mes chers amis. Ezali Ngai Lisusu. Meni Kongo. Kiyanji Kola, Ngudia Kama. Na ye lelo, juste pour na kosala une clarification. Et boyebi ke tozali na en face de nous, tozali na batu oyo en réalité bazali bandoki bango moko, mais qui utilise toujours ces mots-là, ce terme-là, ya bandoki. Naye juste pour na cette information sur la maladie de Félix pendant quelques minutes. Félix s'est déplacé, bah, mémillé d'urgence en Europe pour akende subir une opération. Et vous aviez remarqué que Bango Moko, la famille Naye Félix, famille biologique et la famille politique, ba démentir l'information que Félix Azali Malamu a kaka repos na Europe, Azali Kobelate. Et après pression na biso, Bango Moko ba se rebiffer pour dire non, voilà. Félix a accueilli pour un check-up. Et l'on check-up et commis non à subir une opération, il y a hernie. Voyez-vous d'abord, Batu Oyo Bazali sérieux. Comment est-ce que bah, s'est déplacé d'une information à une autre, même service. Oyo Bango ba vandi na Félix, Bazolia na Félix, Bazo vivre na Félix. Ils ont changé combien d'informations jusqu'à la fin? Est-ce qu'ils sont des gens à prendre au sérieux? D'abord, non. Moi, je suis Congolais, 100%. Je vous dis que le milouvor, baza sérieté, ce sont des menteurs. Ce qui est groupe Oyo, Kobanda tient ce secret wa Mulumba. Jusque na Félix Bangonyoso. Ce sont des menteurs. Mes chers amis, nous sommes passés ici topé sa information sur opération Yamutema ya Félix, sur urgence Yamakambouana. Il faut que vous voyez que nous avons dit que ça la lutte Oyo. Tozali n'a pas source d'informations diverses. Et ba source d'informations, wana, ezali ba sources humaines. Et ces humains peuvent changer du jour au lendemain. Lelo soki bozali na ye malamu, azali ko pesa yo information, lobby peut changer. Tozui d'informations. Et tu es dans le public, tu peux sa information tout de suite. Même les services de renseignement, le plus puissant du monde, il y a des Américains, ils allient aussi induits en erreur par l'information au basali kozwa na ba source na bango. Et bisou toko sa l'exception, tu Mais ce qui est vrai dans tout cela est que Félix a été à l'hôpital. Et je vous dirai, il a été à l'hôpital, il est toujours à l'hôpital, mais maintenant un hôpital mobile. Pourquoi? Parce que, voyez-vous que, hormis la résistance que nous faisons, hormis notre patriotisme, nous sommes aussi un groupe de pression civile. Ça, il faut les reconnaître. Félix, na mukanda ya présidence, balobi akei po na check-up, et kozonga na ye ezali na durée indéterminée. Ba ye bite a kozonga quand. Donc, akoyi kozwa mikolo ebele. Mais suite ya pression na biso. Suite ya pression na biso. Bon, moni siko Félix, ba komi ko ken rotobole ba tonga na banzela. Parce qu'il a remarqué que non. Ce qui est vendu à un hôpital, ou l'alia à un hôpital, ça ne va pas. La mouka, il faut qu'on kende. Ça, il faut le reconnaître. Et ces pressions, et si l'inanté, vous allez voir. Et si l'inanté. Jusqu'à ce qu'il va partir. Il doit partir et il va partir. Mes chers amis, la lutte, la résistance, ezali na ba onango na ba banango. L'information que nous avons passée, oui, Félix a été à l'hôpital. Boye ko monaye a mikangi minyoro na kingo. Et il faut koye ba na ba histoire ya mboka na biso. Mobutu a commencé comme ça. To mona mobutu na minyoro na kingo. Or, minyoro na kingo ane zalaki pour tromper la vigilance. Problème na ye zalaki prostate. Par la suite, mobutu a zawapi. Mobutu a commencé comme ça. C'est une histoire qui se répète. Ayoko bimela bino na munyoro na kingo pour vous tromper la vigilance. Malade eza isika mususu. Ba milouvor, je ne comprends pas. Banani au juste bazali bandoki. Monsieur Yombi, Azalindo qui a ba Congolais, par rapport à quoi? Monsieur Yombi a tiré la cause un centime ya corruption ya Congoté. Monsieur Yombi, même d'habitude, na ya tiko kozwa mbongo ya Congoté, ya bourse, poitanga. Monsieur Yombi a tiré la cause la deal mon côté na Congo pour abonner ba Congolais. Mais, chers Congolais, bozali soso bana mikete, tozali na ba ane 70 te, ba ane 70 te, ba ane 60 te. Oyo mutulokola etenye se sekere wa mulumba, ayeko bimela bino, ayebisi bino aza premier docteur na droit, un premier docteur na droit, asala ata phrase moko scientifique ezate. Il n'a pas écrit même une petite phrase scientifique ezate. Docteur en droit. Il n'a jamais écrit même un petit bouquet ya mouquet. Il n'a jamais écrit. Mais docteur n'a droit. Na ba ane 60, batou, bazala ki penza na à la portée des informations. On a cru à Étienne Tshisekedi qu'il était réellement docteur en droit. Mais maintenant, information est allée à la portée de tout le monde. Mais Étienne Tshisekedi a koyi kozala na niveau ya école primaire ou école secondaire. Mais mitwana basali autour na ye premier docteur. Mais qu'est-ce qu'il a fait na doctorat wana ba yebisa kabino? Rien du tout. Mensonge na mensonge. Lelo oyo, chers Congolais, na bandai koloba, je disais que ba information ezali na portée à tout le monde. Nanya zalindoki. Monsieur Yombi, mutu, a kota nan na makabu mokote ya bino, ya kolia ba mbongo, ba corruption, destruction. Ou bien Félix mutu a zoti ka peuple Congolais. Est-ce que bolé, vous allez kolia? Est-ce que vous allez kokene l'hôpital? Voyez-vous ce qui se passe na est ya mboka na biso? Chaque jour qui passe, il y a des morts. Ba mort wana bazali ba mort naturelle te. bavandi paisiblement bazali okende na bilanga na bango, bavandi na bandako na bango, les gens surgissent, babomi bango. Que fait le président, soi-disant? Nani azali ndoki? Nani azali ndoki? Moto o azali koyiba mbongo ya l'État chaque jour. Mbongo ezali kobima chaque jour. Mbongo ezali kobima te po basalisa yo Congolais. Mbongo ezali kobima te po batongela yo nzela, batongela yo école, batongela yo hôpital. Bamemela yo kisi. Mbongo ezali kobima, ezali kokene na poche ya Marthe. Mbongo ezali kobima, ezali kokene na poche ya Patrick Tshisekedi. Ezali kokende na ba famille Tshisekedi, ba cousin, ba cousine, ba noko, ba nani. Mbongo ezali kokene na ba poche na bango. Yo Congolais, esika ovandi, ovandi kaka fachi beton, erozongi na ndaku nzala. Mama la bana boni, atama tembeleza te. Meno yo uti koganga fachi beton, kuna? Manda fachi esilite. Manda esili, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Nani azali ndoki? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je disais, nazali okende kosilisa wana, je disais que nous sommes une force de pression populaire. Tokundoli Félix na hôpital esika azalaki. Ba docteur ba komi ko landa ye na ba nzela nzela ko pesa ka ye ba tonga. Ndenge ba landa ka bana ba bebe alingi ko lia te. Mama zo landa ye kote azo kende ko sakana. Mama zo landa ye po apese biloko. Félix ba docteur ba komi ko landa ye bongo. Ba tobola ka ye ba tonga ba renforce ye ba énergie po atelema. Mes chers amis, Congolais, nazali ko ye bisa binon. Félix va partir. Voilà. Mikolo tozali koya muke muke. Ba video ya mikuse mikuse. Video ya milayi ba toazo reklame ango ebele tokoya. Vous savez que ba kour ebandi deja. Tozali penza na tan mingite. Ezala ki ya binon. Mwana angodia kama meni kongo ki ya njikola. Le dragon rouge. Chipoy. Chipoui. Merci. Et mon mot qu'on a dit na bosana, tokoye lango. Le pasteur Saint Vaseline Mike Kalamboaï remplaçant na yeboyebi. Moto a remplacer une église na ye ape mamuke alande la makambu na ya ba vaseline. Moto a remplacer ye kombone nani boyebi? Un milovor. Son nom c'est qui boyebi? Mokadi. Excusez-moi. Moto a remplacer vaseline Mike Kalamboaï. Kombo na ye Mokadi. Donc Mokadi a remplacé vaseline. Et bangomi balé ba milovor. Donc, ces gens ici, même dans l'église, il y a toujours népotisme. Même dans l'église, népotisme. Moto a remplacé Kalamboaï, kombo na ye Mokadi. Na tiki binowana. Bye bye.